Il y a quelque temps déjà, un auditeur nous a écrit pour nous demander ce que nous pensions du célibat. À son avis, il est préférable de renoncer au mariage si l'on veut servir le Seigneur, et il appuyait son argumentation par de nombreuses citations bibliques. En lui répondant, nous lui avons fait valoir un autre point de vue. S'il est indéniable que Dieu a abondamment béni d'innombrables célibataires dans le service pour lui, il a aussi employé de nombreux couples qui l'ont servi de manière très efficace. Une condition toutefois, il faut que les deux conjoints partagent la même foi et la même vocation. Alors le service de l'épouse apportera le complément indispensable au ministère de son mari pour la plus grande bénédiction de l'œuvre du Seigneur. Comme le montre la Bible, il appelle les uns à rester seuls et les autres à se marier. Il n'en fait pas une règle, mais comme le dit l'apôtre Paul dans un chapitre consacré au mariage, « Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 7. Ainsi, il est très probable que l'apôtre Paul avait renoncé au mariage, alors que certains de ses collaborateurs ont été fort utiles au Seigneur dans leur vie de couple. À témoin, Aquilas et Priscille, ce couple modèle de l'Église primitive. Arrêtons-nous quelques instants, si vous le voulez bien, sur ce qui est dit d'eux dans le Nouveau Testament. C'est l'année 52 de notre ère, l'empereur Claude démontre ses sentiments antisémites en expulsant les Juifs de Rome. Aquilas et Priscille, qui sont juifs, doivent donc quitter la ville impériale pour se réfugier à Corinthe. C'est là que nous les retrouvons, si nous lisons au début du chapitre 18 des Actes des Apôtres, où il est question du deuxième voyage missionnaire de Paul. Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que l'empereur Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Acte 18, versets 1 à 3. À l'époque, les familles aristocratiques israélites veillaient à ce que leurs fils apprennent un métier manuel avant d'aborder leurs études supérieures. Ainsi, en toute situation, ils pourraient subvenir à leurs besoins. Paul avait donc appris le métier de fabricant de tentes, selon toute probabilité dans la ville natale de Tarse, en Cilicie. C'est ensuite seulement qu'il s'est rendu à Jérusalem, où il est entré en faculté sous l'égide de Maître Gamaliel, acte 22, verset 3. Cependant, Dieu savait que Paul aurait besoin de la profession manuelle qu'il avait apprise lorsqu'il séjournerait à Corinthe pendant 18 mois. Il a donc fabriqué des tentes avec Aquilas et Priscille, tout en donnant son temps libre à la prédication de l'Évangile. Mais le moment est arrivé où il se donna tout entier à la parole, acte 18, verset 5. L'intérêt est si grand, les besoins des auditeurs si pressants, que Paul ne peut plus faire deux choses à la fois. Alors, qui a pourvu aux besoins matériels de Paul pendant la période si fructueuse de son ministère? Certainement Aquilas et Priscille. Leur désir de voir des âmes arrachées aux ténèbres du paganisme est si grand qu'ils ont peut-être fait des heures supplémentaires à l'atelier pour libérer Paul de toute obligation professionnelle. Et pendant les 18 mois que l'apôtre a passé chez Aquilas et Priscille, des liens solides se sont forgés entre eux. Aussi, n'est-ce pas étonnant qu'il les ait invités à l'accompagner lorsqu'il a quitté Corinthe? Aquilas et Priscille ont donc fermé boutique et tous trois sont partis. Nous lisons Actes 18, versets 18 à 19. Paul s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Les Juifs d'Éphèse auraient préféré que Paul prolonge son séjour dans leur ville. Mais Paul était pressé, il voulait être à Jérusalem pour la Pentecôte. Il a donc prié ses compagnons d'œuvre, Aquilas et Priscille, de rester à Éphèse et de poursuivre ce qu'ils venaient d'entreprendre. Éphèse était une ville vouée à l'adoration d'Artémis, la Diane des Éphésiens. Le temple dédié à cette déesse était l'une des sept merveilles du monde. Le livre des Actes l'évoque en ces termes. Le temple de la grande déesse Diane, dont la majesté est révérée dans toute l'Asie et le monde entier. Acte 19, verset 27. Mais Aquilas et Priscille n'étaient pas venus à Éphèse pour admirer le temple de Diane, ni pour faire fortune en fabriquant des tentes. Ils étaient venus pour annoncer Jésus-Christ aux Juifs et aux païens de la ville. Tandis qu'ils rendaient témoignage de Jésus-Christ à Éphèse, ils ont rencontré un compatriote juif nommé Apollos. Celui-ci avait découvert que Jésus-Christ était bien le Messie promis par l'Ancien Testament. Nous lisons à son sujet. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Actes 18, versets 24 et 25. En l'écoutant, Aquilas et Priscille ont discerné que son enseignement n'était pas complet. Ils l'ont donc invité chez eux. Ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Actes 18, verset 26. Et c'est ainsi que le foyer d'Aquilas et Priscille est devenu un centre d'études bibliques. Par la suite, d'autres personnes se sont jointes à Apollos et ont continué d'étudier la parole de Dieu chez Aquilas et Priscille. Aussi, lorsque l'apôtre Paul est revenu à Éphèse quelques mois plus tard, il a trouvé l'embryon d'une église dont les membres se réunissaient régulièrement dans le foyer d'Aquilas et de Priscille. Il en donne le témoignage dans le dernier chapitre de l'Épître aux Corinthiens, écrite d'Éphèse. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. 1 Corinthiens 16, verset 19. Mais Aquilas et Priscille ne sont pas restés très longtemps à Éphèse, une ou deux années tout au plus. Après la mort de l'empereur Claude en l'an 54, les mesures d'expulsion contre les Juifs ont été levées et ils ont pu regagner leur domicile à Rome. Mais Dieu avait permis pour eux cette période mouvementée, d'abord pour qu'ils apprennent à connaître le Seigneur par le ministère de Paul, puis pour qu'ils deviennent de fervents témoins de Jésus-Christ. Aussi ne se sont-ils pas réinstallés à Rome comme fabricants de tentes, mais pour propager le message de la parole de Dieu. À Rome, Aquilas et Priscille n'ont pas hésité à exposer leur vie pour la cause de l'Évangile. Ils ont tout de suite ouvert leur foyer aux croyants et aux personnes qui avaient besoin de Jésus-Christ, et lorsque, en l'an 58, l'apôtre Paul a adressé aux chrétiens de Rome la plus magistrale de toutes ses épîtres, il y a écrit ce message particulier. « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. » Romains 16, versets 3 à 5. Relisons les derniers mots de ce message. L'Église qui est dans leur maison. À Corinthe, Aquilas et Priscille avaient accueilli les chrétiens. À Éphèse, une église se réunissait dans leur foyer. À Rome, ils avaient ouvert une église dans leur maison et leur ministère ne s'est pas arrêté là, puisque, 4 ans plus tard, Paul leur envoie un message à Éphèse, où ils sont retournés et où ils appuient le témoignage des chrétiens. 2 Timothée 4, verset 19. Aquilas et Priscille, un couple qui a tout donné au Seigneur et qui s'est entièrement consacré à la propagation de l'Évangile. Tout en assurant leurs responsabilités professionnelles, ils ont ouvert leur foyer à toutes les personnes désireuses de connaître le Seigneur Jésus. Et comme fruit de leur témoignage, Dieu a permis la fondation de 3 assemblées chrétiennes, et pas des moindres, l'Église des Corinthiens, l'Église des Éphésiens et l'Église des Romains. Chers auditeurs, que ne peut pas faire le Seigneur avec un couple uni, entièrement dévoué et consacré à leur chef divin? Pourquoi Jésus-Christ ne vous emploierait-il pas à votre tour, famille chrétienne, couple ou célibataire, pour entreprendre un travail spirituel dans votre quartier, par exemple? Pourquoi n'ouvririez-vous pas votre foyer pour des études bibliques? Notre génération est avide de voir le témoignage pratique d'hommes et de femmes qui démontrent par leurs actes que l'Évangile transforme l'existence et apporte le vrai bonheur. Qui sait si en ouvrant votre foyer pour la prédication de la parole, vous ne deviendriez pas le moyen de fonder une nouvelle assemblée de croyants? Il y a tant d'endroits où le salut en Jésus-Christ n'a jamais été annoncé et où des âmes attendent qu'on leur parle du Christ. Que le Seigneur vous bénisse dans votre témoignage.